Récit de l'aumônier du roi, Adrien de Montalembert, dans une lettre adressée au roi François Ier. Avant la grande réforme de 1518, il y avait de grands désordres dans l'abbaye des Nonains, nonnes, religieuses de Saint-Pierre de l'ordre de Saint-Benoît, à Lyon, France, près du Rhône. Un chacun vivait à son bon plaisir. Il n'y avait aucun abbé ni abbesse, ou évêque, qui mettent de l'ordre au gouvernement des dictes nonains. Elles allaient et venaient par la ville, jour et nuit, où leur plaisait, sans nul contredit, appelant qui bon leur semblait en leur chambre privément, menant très piteuse religion. Que vous dirais-je? Chacun de la ville en était si scandalisé, qu'on convint qu'elles fussent réformées, ou jetées hors de là, pour y en mettre de meilleurs en leur place. Et de fait, en furent amenées d'autres, bonnes ou religieuses, qui vivaient selon la vraie réformation, lesquelles y sont encore jusqu'à présent, et y servent du jour et nuit dévotement. Et donc, quand les évêques d'auparavant virent qu'il n'y avait plus de remède qu'elles ne furent réformées, ou jetées dehors, elles délibérèrent de faire leur dernière main avant de partir de là. Si en eut elle, qui emporta une croix garnie de pierreries, l'autre, quelque aussi précieux reliquaire, l'autre de riches parements d'autel. Les autres dérobèrent des ornements, ou l'argent des reliques. Chacune emporta ce qu'elle pouvait et s'en alla. Entre toutes, il y avait une nonnin, nommée Alice de Tézieux, secrétaine du lieu, détentrice des clés des reliques, et ornements de l'abbaye de Saint-Pierre. Cette dame ne consentit pas d'être réformée, et se jeta dans le désespoir, abandonnant son honneur en tout point, et partit du monastère toute désolée, plus malheureuse que jamais, et depuis n'y rentre en vie. Elle saisit les parements d'autel, et les engagea pour certaines sommes. Je ne voudrais pour rien raconter de la vie qu'elle mena depuis, mais de temps, je vous dirai qu'elle fut assez piteuse et dangereuse, tant qu'elle continua à y prendre ses plaisirs. Et pour cela rétribution, elle y gagna des maladies dangereuses, dont son pauvre corps fut mis en telle subjection, qu'il n'en était aucune partie sans ulcères douloureux, voire abominables et incurables. Elle en perdit toute la figure du visage, et fut longtemps ainsi gisant piteusement, privée de l'usage de tous ses membres. Or, voyez, sire, quelle pitié! Privée de l'usage de tous ses membres, celle qui était en fraîchement belle, en laidit de telle sorte qu'elle ne pourrait être reconnue de ceux qui l'avaient vue auparavant. Ainsi, longuement ternie, et gisant par hideuse maladie, la pauvre sœur Alice, voyant qu'en elle, n'avait pas espérance de guérison, et délaissée de ceux qui avaient coutume à l'apprécier et aimer, pauvre de corps et de bien, elle pleura beaucoup et soupira en pensant si notre Seigneur aurait encore pitié d'elle. Dans les tourments dont cette pauvre malheureuse souffrait, et dans les profondes angoisses de ce qu'elle pouvait souffrir, elle arriva aux extrêmes soupirs du cours naturel. Vous verrez maintenant comment notre Seigneur, par sa débonnaireté, lui présenta sa grande miséricorde, et l'inspira en ce qu'elle réclamait Marie, sa bénie-mère. Il fait bon avoir quelquefois servi notre Seigneur, car par le temps il en fait bonne récompense à l'heure que l'on en a plus grand besoin. Cette douloureuse angoisse de sœur Alice dura longtemps. Sans cesse malade, gisant alitée, apprit à Dieu qu'il voulut piteusement regarder ses graves douleurs et misères qu'elle souffrait, qu'il lui plût de les compter en allégement des peines qu'elle méritait, si elle ne fut pas damnée. Elle fut ainsi brisée par continuelle maladie, qu'elle perdit toute vigueur corporelle et rendit ainsi son âme, abandonnée, et mourut au champ, en un village où elle fut enterrée misérablement, sans solennité quelconque, ni prière. Elle était sortie de l'abbaye en 1516, et mourut en 1524. Par l'espace de 2 ans, elle a été consumée et enterrée sans que la mémoire d'une créature au monde eût souvenance d'elle. En Nice à l'abbaye de Saint-Pierre, il y a une jeune religieuse d'environ 18 ans, nommée Antoinette de Grolet, gentille femme native du Dauphiné. Cette jeune dame avait été menée là-dedans avant la grande réforme. Petite fille de bonne condition, sage pour son petit âge, dévote et simple, qui a toujours bien persévéré en religion. Ladite défunte Alice, partie depuis du monastère, et durant son mauvais gouvernement, s'était souvent deux fois recommandée à la jeune Antoinette. Même en sa dernière maladie dont elle mourut, elle parlait incessamment d'elle et l'appelait. Or, il advint que la dite religieuse Antoinette, étant seule en sa chambre, couchée en son lit, il advint que quelque chose lui souleva son couvre-chef, et fit sur le front le signe de la croix, suivi d'un léger baiser. Surprise, et ne voyant rien, ni bruit, elle crut un songe et n'en parla à personne. Quelques jours après, elle entendit quelque chose autour d'elle, comme sous ses pieds, qui frappa plusieurs petits coups, comme un bout de bâton qui heurtait dessous. Ce qui heurtait ainsi semblait profondément dedans terre, se faisant entendre quasi quatre doigts sous les pieds de la dite religieuse. Je l'ai entendu maintes fois, qui me répondait sur ce que j'enquérais, en frappant autant de coups que je demandais. Quand la religieuse eut plusieurs fois entendu l'étrange bruit inconnu, elle commença à s'ébahir durement, tout épouvantée, et conta à la bonne abbesse, Antoinette d'Armagnac. Laquelle sut beaucoup bien la réconforter, et la remettre en bonne assurance, pensant non à autre chose qu'à la simplesse de la religieuse. Et pour mieux y pourvoir, ordonna qu'elle couche en une chambre proche d'elle. Or, sachez, sire, que cette âme ne faisait aucun mal, ni frayeur. C'est ainsi que les dames de là le considéraient. Et comme grande consolation, la dite âme donnait signe de grande joie quand on chantait le divin service, et quand on parlait de Dieu, fût-ce à l'église ou autre part. Et jamais n'était entendu si la jeune religieuse était absente, mais jour et nuit lui tenait compagnie, la suivait. Ni jamais ne l'abandonnait en quelque lieu qu'elle fût. Je vous dirai grande merveille de cette âme, lorsque je lui demandais, en la conjurant au nom de Dieu, à savoir si incontinent qu'elle fût partie de son corps, elle suivit cette jeune religieuse. L'âme répondit que oui véritablement, et ne l'abandonnerait jamais. Je sais cela bien véritablement depuis que je lui ai demandé. Je l'ai entendu souvent et maintes fois. Et c'était familier. Par elle, de grands cas ont été sus, qui ne pourraient être connus des mortels. Ce dont j'ai donné grande admiration et merveille. Les secrets de Dieu sont inscrutables et incrédibles aux ignorants. Mais ceux qui ont vu et entendu de telles choses, certes on doit les croire plus entièrement. Dès que la bonne abbesse eut aperçu la vérité de cette si merveilleuse affaire, qu'aucune chose étrangère ne suivait cette religieuse, elle se tient très pensive, considérant quoi d'autre ce pourrait être, ne sachant que dire, sinon ruminer continuellement, comment il lui serait possible de savoir la vérité. Pour ce, elle prit diligemment conseil de ce qu'elle devait faire. Le bruit qu'une âme habitait en l'abbaye Saint-Pierre fut très grand par la ville de Lyon et des lieux circonvoisins. Beaucoup d'hommes et femmes accoururent pour aller entendre quelque chose d'étrange, et à chaque fête, des gens de tous les états s'amassaient, allant en grande trombe et troupeaux, au dit monastère. Cependant ils perdaient leur peine, car nul n'entrait dedans, seulement ce qui était nécessaire. Les pauvres religieuses vinrent premièrement au refuge de notre Seigneur, se mirent tout en bon état devant Dieu. La jeune religieuse fut interrogée diligemment, à savoir, que lui semblait cette aventure. Elle répond qu'elle ne sait pas ce que ce pourrait être, si ce n'est sœur Alice, la secrétaine. Pour autant que depuis son trépas, elle l'avait souvent rêvé, et vu en dormant. Or, l'âme fut conjurée pour savoir qui c'était. Elle répondit qu'elle était l'âme de sœur Alice, véritablement, jadis secrétaine de là, et en donnait signe évident. La chose n'étant pas difficile à croire, parce qu'elle avait toujours aimé la jeune religieuse entrée là enfant. Après avoir été conseillé, l'abbesse délibéra d'envoyer quérir le corps de la trépassée. Mais pour ce, premièrement, l'âme fut enquise, à savoir si elle voulait que son corps soit enterré là. Elle donna signe qu'elle le désirait beaucoup. Ah donc, la dame abbesse l'envoya déterrer, et amener honnêtement en l'abbaye. L'âme mena bruit alentour de la jeune religieuse, à mesure que sa dépouille approchait de plus en plus là. Et quand elle fut à la porte de l'église du monastère, elle se démena beaucoup en frappant, et heurtant sous ses pieds. Et aussi, durant que les dames faisaient le service de ses funérailles, elle ne cessait et n'avait aucun répit. Bonnement, on ne savait pourquoi cette âme se démenait ainsi, ou par douleur qu'elle endurait, ou par plaisir qu'elle avait de voir son corps en son abbaye, dont jadis elle était partie. Le service achevé, le cercueil, ou chasse qui contenait les ossements, fut mis dans une fosse en une petite chapelle de Notre-Dame, sans les couvrir autrement qu'un drap mortuaire, ainsi qu'il me fut montré. Le 16 février de l'an 1526, le révérend Barthélemy Dubois, évêque suffragant de Lyon, me fit savoir qu'il passait la rivière de la Saône pour venir en mon logis. Aussitôt averti, j'allai au-devant de lui et le reçus du mieux possible. Plusieurs jours auparavant, plusieurs m'avaient demandé pour entendre cette âme, très pressée que je veuille aller sur le lieu pour entendre le bruit des cognements qu'elle faisait. J'en fus à refuser. Le révérend commença à tenir propos de cette affaire, et me dit qu'il y avait été avec plusieurs religieux frères mendiants, auxquels la dite âme n'a rien voulu répondre. Le révérend me pressa tellement qu'il fut conclu que le lendemain, jour de la Septuagésime, 70e jour avant Pâques, nous irions ensemble. Après avoir dîné, nous sommes partis le plus secrètement qu'il nous fut possible, environ 2 heures après-midi. Nous comptions d'aller très tranquillement, mais le peuple de Lyon nous aperçut tantôt et accourut hâtivement, et cheminant en telle diligence, au nombre près de 4000 personnes, tant hommes que femmes, lesquels avaient déjà gagné du terrain devant nous. Car nous allions tout bellement se monter sur nos mules. Sitôt que nous sommes arrivés là, déjà la presse était si grande que nous ne pouvions entrer en l'église des religieuses averties de notre venue. Incontinent leur père confesseur vint à nous. Il fut chargé d'ouvrir une petite ouverture pour entrer par le chœur. Ce fut fait ainsi, mais quand le peuple, qui était sur le qui-vive de ce que nous deviendrons, aperçut qu'on voulait ouvrir quelque ouverture pour nous faire entrer, incontinent, s'avance par force au-dedans et voulait entrer. Dès lors nous avons été contraints de demeurer en la chapelle où nous étions premièrement, tant la presse était grande. Le peuple, apercevant que nous ne faisions aucun semblant de nous mouvoir, prestement retournèrent en arrière de nous, épiant soigneusement notre conseil, très attentif de nous. Dans une telle perplexité, nous avons pris conseil que nous parlerions ensemble tout haut pour décevoir ce peuple importun, et que nous dirions, allons-nous-en. Et passions parmi eux. Car aujourd'hui il n'était possible d'entrer là, et qu'à cause de la presse, nous étions hors de l'église. Là on nous a ouvert une grande porte par où le chariot amène les nécessités du monastère, et sommes entrés devant, sans avoir d'empêchement. Incontinent que les portières vinrent ouvrir leur grande porte pour entrer dedans, mon dit Seigneur le révérend entra, et nous avec lui, et autres vénérables gens d'église, auxquels fut fait commandement exprès de ne révéler aucune chose de ce qu'ils verraient ou entendraient là, sous peine d'excommunication. Dès lors nous trouvâmes Madame l'abbesse en très humble contenance, accompagnée de ses religieuses. Elles se mirent en très grande humilité et saluèrent dit révérend et la compagnie. Après le salut rendu par nous, elles nous menèrent en leur chapitre, là où le révérend fut assis, et nous à l'environ de lui, et les dames, tout à genoux, bien que Monseigneur leur dit de se lever. Incontinent, la jeune religieuse fut présentée devant le révérend. Il demanda comment elle se portait. Et la jeune religieuse répond que bien, Dieu merci. Et lui demande de l'âme qui la suivait. Incontinent, Ladita meurta sous les genoux de la jeune religieuse comme si elle voulait dire quelque chose. Là il fut parlé de maintes choses concernant la délivrance de cette pauvre âme. Plusieurs, et mêmement les dames, disaient que l'âme endurait grande peine. Toutefois, lorsqu'on disait le service divin, mieux lui en était. Par grande requête, un marchand entra, homme de bien qui avait quelquefois accepté l'argent d'une croix rompue ou autre reliquaire. Faisant conscience, il craignait que ce ne fût de là par quoi l'âme de la défunte fut retenue, et requiert instamment d'interroger l'âme du dit argent venu des reliques. Ladite âme donna signe que non. Ce dont le marchand fut bien aise. Plusieurs autres curieuses questions furent demandées, ce dont elle ne donna aucune réponse. L'heure était tardive et la nuit s'approchait. Nous avions été tenus longuement à l'église à cause de la presse du monde. Et après être demeurés assez longuement, nous avisions que premièrement on prierait Dieu pour la pauvre âme douloureuse. Le dit Seigneur se leva et commença, de profondis. Je t'invoque du fond de l'abîme. Oyeva, Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives au bruit de mes supplications, Seigneur Yeva, qui pourrait subsister si tu gardais le souvenir des iniquités? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que tu sois craint. J'espère en Yeva, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël. Mets ton espoir en Yeva, la miséricorde est près de Yeva, la rédemption près de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Nous répondions avec les religieuses, Fiantores, etc. Tandis que le psaume s'exprimait, la jeune religieuse étant à genoux, l'âme heurtait incessamment sous elle, heurtant assez sec, comme si elle fût sous terre. Le psaume parachevé, ainsi que les oraisons, il lui fut demandé si elle en était mieux. Elle donna signe que oui. Après conseil tenu, je fus chargé de mettre de l'ordre dans cette affaire, composer les cérémonies, exorcisme, conjuration et adjuration, qu'il convenait pour savoir la pure vérité de cette âme, et connaître si véritablement c'était l'âme de la défunte, pour ne pas abuser les pauvres religieuses. Puis il fut dit à la mère abbesse que nous reviendrons pendant certains jours en telle forme et solennité, qu'il convenait en telle affaire, et suivant la charge qui m'avait été imposée. Avant de partir du monastère, j'ordonnai à la jeune religieuse de choisir deux religieuses de là, sans nulle contrainte, et qu'elle commence le psautier de David premièrement, et en disent 10 psaumes, et suivant après, chacune des deux religieuses choisies en dirait chacune, 10 psaumes tous les jours jusqu'à temps que tout le psautier fût achevé. Par ce moyen, chaque jour, 30 psaumes se payeraient à notre Seigneur, pour les dettes de la pauvre âme, détenue en la prison du purgatoire. En l'honneur de notre Sauveur, pour les 30 deniers que Judas reçut des Juifs. Elles continuèrent de chanter les 10 30 psaumes. Et achevèrent tout le psautier en 5 jours, présenté en peu de temps à notre Seigneur afin qu'il lui plût, en l'honneur de ses plaies, d'abréger le temps de peine que la pauvre âme endurait, condamnée par sa divine justice. Il y eut de tels en la compagnie, qui en firent tout autant seuls. De tels qui donnèrent des aumônes assez grandes pour leur état. D'autres firent chanter plusieurs messes pour la délivrance de la pauvre âme. Il n'y avait personne, ainsi que je crois, qui n'en fît son devoir, parce que la nécessité y était trop grande. Il y en eut plusieurs même qui jeûnèrent, et firent abstinence, qui marchaient humblement devant Dieu, qui pleuraient beaucoup pour la pauvre âme en requérant notre Seigneur. Le jour avant que nous devions aller, avec solennité, pour mettre en avant notre promesse, et savoir de la vraie âme, je demandai par écrit à la dame abbesse et à ses religieuses tout entièrement, ce qu'elle devait faire pour sa pareille et pour notre venue. Le 22 février 1526, fête de la chaire de Saint-Pierre, environ 6 heures au matin, nous étions près de la porte de l'abbaye. Nous sommes entrés au monastère, car on nous attendait à la porte. Incontinent, dit Seigneur le Révérend, après qu'il fut confessé, s'appareilla de son rocher épiscopal manteau de cérémonie. Il était à entendre que tous ceux de l'assemblée s'étaient mis en bon état par confession comme dit précédemment. Les dames portières vinrent ouvrir leurs grandes portes et le dit Seigneur entra avec sa compagnie, ceux-là à pied, surnommés ensemble, l'official de Lyon et trois vénérables prêtres, et aussi les deux pères confesseurs des religieuses. Nous retrouvâmes la bonne dame abbesse à l'entrée du cloître, toute prête pour recevoir, accompagnée de ses dévotes religieuses qui nous reçurent très humblement, nous menèrent en leur cloître, et de là en chapitre. Audit chapitre est un petit autel qu'elles avaient très proprement orné, et une chaise parée honorablement pour Monseigneur. Aussi de longues chaises honnêtement couvertes pour les gens de bien qui l'accompagnaient, et mises à droite et à gauche de la chaire du dit Seigneur. Après oraison faite, incontinent le dit Seigneur, arrivé devant le dit autel, prit une étole qu'il mit à son col, fit l'eau bénite, et s'assit en sa chaise, comme tous les assistants sur les sièges apprêtés. L'abbesse et ses religieux s'assirent pareillement, chacune selon son degré ou ancienneté. Quand tous furent assis et que silence fut fait, Monseigneur le Révérend se leva et commença à projeter l'eau bénite, çà et là, tout en invoquant l'aide de la Majesté divine, disant hautement en latin « Te invocamus, te adoramus, etc. » Nous lui répondions de même. Et il dit l'oraison, « Omnipotens sempiter ne Deus. Que ta miséricorde soit sur notre pontife, Clément VII. Dirige-le suivant ta bonté, dans la voie du salut éternel. Que par ton bienfait il puisse désirer ce qui te plaît et l'accomplir de toutes ses forces, par Christ, notre Seigneur. Amen. » Après qu'on eut dit Amen, il sera assis comme avant. Incontinent, Madame l'abbesse et une religieuse des anciennes, amenèrent la jeune religieuse qui était suivie par l'âme. Face à Monseigneur l'évêque, elle s'agenouilla très révérablement sur un large marchepied, apporté là tout exprès, afin que l'on puisse entendre la mieux cogner. Quand elle fut là à genoux, les oreilles d'un chacun se dressèrent pour écouter ce qu'on pouvait. Premièrement, le dit Seigneur imprima au front de la jeune religieuse le signe de la croix. Il mit les mains sacrées sur son chef, et la bénit selon le Benedictio Super Caput Pelae, bénédiction sur la tête de la jeune sœur. Que la bénédiction de Dieu, Tout-Puissant Père, Fils, et Saint-Esprit, descende sur vous ma fille, et il demeure toujours. Que par cette bénédiction soient repoussés les efforts et machinations de l'ennemi. Que par nos mains, la vertu de Dieu le frappe jusqu'à ce qu'il s'enfuit et vous laisse paix et repos. Vous, servante de Dieu, devez bannir toute frayeur. Je l'ordonne à l'ennemi, par celui qui viendra juger les vivants et les morts, et le siècle, par le feu. Amen. Tous dirent Amen. Puis le révérend dit aux assistants. Mes chers seigneurs et frères, il est tout notoire que l'ange des ténèbres se transmue souvent en espèce de l'ange de lumière par des moyens subtils, pour décevoir et surprendre les simples. De peur peut-être qu'il aurait occupé le lieu de ces femmes religieuses, nous voulons premièrement le confondre et le jeter dehors, et quand il y est, de le trancher du glaive spirituel, comme en convient sa cruelle heure, pour qu'il ne nous empêche plus, ni ne trouble notre intention en aucune chose. Le révérend se dressa très durement contre le mauvais esprit, lui faisant beaucoup de reproches en latin, je l'ai mis ici en français, car j'avais le tout composé en latin. Vous devez savoir que tout ce que fut dit, chanté, et parlé, en cette délivrance, était en latin. Viens donc en avant, ténébreux esprit, si tu as usurpé un siège parmi ces simples religieuses. Entends-moi, prince de Mantrie, en vieillie de mauvais jours. Par la puissante autorité de Dieu, nous te commandons que si tu as abattu quelque trahison par tes cruautés, pour moquer ou décevoir les servantes de Jésus-Christ, fuis subitement, va-t'en prestement, laisse servir Dieu paisiblement, adjuré par celui qui viendra juger les vifs et les morts, et le siècle, par le feu. Amen. Tandis que le révérend conjurait ainsi tout mauvais esprit, aucune motion ni mouvement ne se faisait par notre âme. La jeune religieuse étant toujours à genoux sur le large marchepied, tous les yeux des assistants fixés sur elle, au guet. Quand le révérend eut un peu repris son haleine, il s'arma d'orochef contre l'ennemi, si c'était ce qui suivait la jeune religieuse, et prononça en excommuniant ce qui s'ensuit. Maudit, éjecté de la sainte montagne de Dieu dans abîmes ténébreux et gouffres infernaux. Quelle que soit ta hiérarchie infernale qui se moque de ces dévotes religieuses. Nous invoquons le Père Tout-Puissant. Nous supplions le Fils, notre Rédempteur. Nous réclamons le Saint-Esprit très béni contre toi. Sa puissante droite commande de ne plus suivre les pas d'Antoinette, notre sœur, s'il l'a suivi ci-devant. Nous, serviteurs de Dieu Tout-Puissant, bien étant que pécheurs, bien qu'indignes, toutefois nous confions en sa miséricorde. Par la vertu de notre Seigneur Jésus le Christ, nous te commandons de laisser les religieuses en paix, et que tu t'en départes vivement. Mauvais ennemi, nous te conjurons, et condamnons toi l'antique serpent. Anathème. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui viendra juger les vivants et les morts, et le siècle, par le feu, au jugement divin, nous t'excommunions avec détestation, et renonçons à tes œuvres. Incontinent, tous répondirent, Amen. Et pour signe de malédiction, les chandelles furent éteintes, la clochette fut sonnée en détestation, et l'évêque frappa la terre plusieurs fois du talon, en détestant le diable, le chassant, s'il était autour de la religieuse. Il prit ensuite de l'eau bénite et la répandit. Il en jeta en l'air sur nous, et sur terre, en criant à haute voix. Dis solité, omnes qui opera mini, iniquitatem. Éloignez-vous de moi vous qui faites l'iniquité. Il dit cela par trois fois. Il envoya aussi trois prêtres vêtus d'aubes, longues chemises blanches, ayant chacun l'étole au col, pour répandre l'eau bénite par tous les lieux de l'abbaye. Il les chargea de dire tout haut incessamment, dis solité, omnes qui opera mini, iniquitatem. Éloignez-vous de moi vous qui faites l'iniquité. Il leur dit, afin qu'ils fussent hardis, qu'ils n'aient pas peur, car c'est ainsi qu'il convenait. Lesquels furent longuement ce labeur, parce que le lieu de là est assez spacieux. Et sitôt que les trois prêtres furent entrés avec leur eau bénite, au dortoir des dites religieuses, aspergeant, et criant hautement, dis solité, omnes qui opera mini, iniquitatem. Éloignez-vous de moi vous qui faites l'iniquité. Et subitement, plusieurs esprits mauvais s'enfuirent du dortoir des dames, chassés par ceux qui apportaient l'eau bénite. Ils se saisirent d'une jeune novice gentille femme, que ses parents avaient rendue là-dedans contre son gré. Il n'est pas nécessaire de questionner si ces esprits mauvais la tourmentaient, vu comment c'était horreur de la voir. Chacun à sa place, tous ceux de l'assemblée attendaient que les trois prêtres achèvent leur charge, et n'avaient attente à autre chose. Tous furent si épouvantés, troublés d'étonnement, ne sachant que dire. Ils se regardaient l'un l'autre, prêts à suivre celui qui s'enfuirait le premier. Je crois qu'ils n'avaient jamais eu si grande frayeur. Et pour tout dire, le cas était si épouvantable que tous devinrent pâles et défaits, comme presque morts, et ne savaient qu'à s'en réclamer. Que vous dirais-je? Tant les uns que les autres furent surpris, ne disaient aucun mot, tremblant très durement. Et les pauvres religieuses pâlirent avec une frayeur incomparable. Elles se serraient l'une contre l'autre comme de pauvres brebis au troupeau sur lesquelles le loup s'est subitement jeté, hormis la bête qui s'y porta très vaillamment, car elle tenait en sujétion la dite obsédée par la force, jusqu'à temps que les trois prêtres furent retournés. Que vous dirais-je de plus? Tous furent en mi-hors d'haleine de surprise, qu'ils pensaient être morts sans avoir aucun répit et ne plus jamais vivre. En cet instant que les choses étaient en si étonnant trouble, Je n'étais pas près des autres, mais un peu en arrière, ordonnant tantôt que le corps de la défunte soit apporté là où nous étions. En me détournant çà et là, j'aperçus la jeune novice qui se démenait étonnamment, ce dont j'étais ébahi. En m'approchant, j'aperçus que c'était le mauvais esprit qui la tourmentait, et la pauvre fille se défendait comme elle pouvait en disant « Marie, Mère de grâce, Mère de miséricorde, protégez-nous de l'ennemi. Recevez-nous à l'heure de la mort. » Elle disait cela en remuant, en se démenant horriblement, parce que le mauvais esprit la contraignait, car elle était encore dedans son corps, en toute partie d'elle, et la tourmentait. Je fus assez étonné de cette affaire, et plus fort encore quand je vis mes compagnons autant frappés. Toutefois je convins de prendre hardiment la charge de toute l'affaire, pour autant que je l'avais. Il fut nécessaire de réconforter premièrement les assistants, et leur promettre assurance qu'ils n'avaient aucun danger en ce qu'ils voyaient. Que par envie désespérée, l'ennemi d'enfer s'efforçait de mettre un empêchement à la délivrance de l'âme prisonnière du purgatoire. J'ordonnai donc hâtivement que l'on prît trois étoles, et de la lier. Ceux qui commettent l'iniquité sont déjà renversés et tombent, et ne peuvent se relever. J'envoyai un message aux trois prêtres, pour leur dire de s'avancer et tenir ce mauvais esprit en suggestion, tandis que nous mettrions un achèvement à notre première entreprise. Puis je vins au dit révérend, et lui dis qu'il commande au mauvais esprit de se taire, pendant que nous entendions à d'autres affaires. Il se fit ainsi, et il se tint tranquille pour cette fois. Nos trois prêtres venus, je leur baillai la garde de la dite novice démoniale. Cela fait, après quelques oraisons dites, l'évêque s'appareilla de tous les ornements pour célébrer la messe. Quand il fut prêt, il se mit à genoux, ainsi que tous les assistants, et commença à chanter très haut, l'hymne, Veni Creator Spiritu. Viens Esprit Créateur visiter l'âme des tiens. Comblé par ta grâce d'en haut le sein que tu as créé, toi Paraclet plus haut, don de Dieu, source de vie, feu, charité, onction d'esprit. Toi ou cet don de la droite du Père. Toi, promesse du Père qui nous inspire à prophétiser. Illumine-nous de lumière, comble-nous d'amour, établis ton constant pouvoir. Toi qui repousses l'ennemi, et donne sitôt la paix. Que nous évitions toute faute par ta guidance, et par toi, connaître le Père, connaître le Fils, et à la fois ton esprit. Et croire en tout temps. Gloire à Dieu le Père, au Fils ressuscité d'entre les morts, au Saint-Esprit Paraclet, pour toujours à jamais. Amen. Les religieuses lui répondaient à chaque verset. Puis il commença la messe du Saint-Esprit, Introibo ad alter Dei, j'irai à l'autel de Dieu. Et quand cela vint à l'offrande, la jeune religieuse que l'âme suivait, se leva et vint offrir un pain blanc et un pot de vin, laquelle offrande fut incontinent donnée par amour pour Dieu. La messe accomplie, le révérend s'assit et tous les assistants prirent place, les dames aussi. Quand tous furent en paix que bon silence fut fait, le dit Seigneur parla aux assistants. Mes seigneurs et bons amis, en votre présence nous avons déjà grandement commencé à procéder à notre affaire. Premièrement, nous avons conjuré le mauvais esprit, excommunié et éjecté si d'aventure il y eût été celui qui suit cette jeune religieuse. Nous connaissons quasi évidemment que cela n'est que de la part de Dieu. Veuillez savoir plus avant en interrogeant la dite âme à cette fin, puisque par lui-même nous connaissions la vérité, et puissions par votre bon conseil, y pourvoir plus amplement. Après qu'il eut dit cela, la religieuse s'assit sur une petite chaise basse posée sur son large marchepied. Et ainsi que nous étions tous assis, voici, quatre personnes apportèrent les ossements de la sœur secrète Annalise dans un cercueil, ou chasse de bois, recouvert d'un drap mortuaire. Apercevant sitôt les ossements, le dit mauvais esprit, au corps de la religieuse novice, va dire sans s'émouvoir autrement. Ah! Tu es là, pauvre méchante! Puis se tint tout muet. Monseigneur se prépara de conjurer l'âme de la défunte dont les ossements étaient présents. Premièrement, il bénit le nom de Dieu, disant tout hautement en latin, « Sinomen Domini Benedictum, Adjutorium Nostrum, in nomine Domini, béni est le nom du Seigneur. Notre aide est dans le nom du Seigneur. » Et les assistants lui répondaient. Il commença ensuite à conjurer. « Qui que tu puisses être, âme ou esprit, d'adverse partie ou de Dieu, qui de longtemps a suivi cette jeune religieuse, par celui qui fut mené devant Caïphe le prince des prêtres juifs, qui fut accusé et interrogé, mais ne voulut rien répondre jusqu'à temps qu'il fût conjuré, au nom du Dieu vivant, auquel incontinent il répondit que véritablement il était fils de Dieu Tout-Puissant, à l'invocation duquel nom terrible, au ciel, en terre, et en enfer, soit fait révérence par la vertu de celui-ci même, par notre Seigneur Dieu, et Jésus-Christ. Tous alors s'agenouillèrent. Je te conjure, et te commande, que tu me répondes ouvertement ainsi que tu pourras. Il te sera permis par volonté divine, sur tout ce que je t'interrogerai sans rien cacher. Tellement que je puisse entendre clairement toutes tes réponses, et tous les assistants, afin que chacun de nous ait l'occasion de louer et magnifier les hauts faits de Dieu, le Créateur qui règne à jamais et par tous les temps infiniment. Nous répondons Amen. Alors tous les assistants désirant entendre les réponses de la dite âme, se délibérèrent de prêter grand silence, tel que vous n'avez pas entendu créature qui fit aucun bruit en compagnie, tant petit peut-il, ouvrait ainsi les oreilles et fichait les yeux sur la religieuse. Dis-moi si tu es véritablement l'âme de Sœur Alice déjà morte, jadis de la secrétaine? Elle répond que oui par cognement. Dis-moi si ces ossements apportés ici sont de ton corps. Réponds que oui. Dis-moi ouvertement, puisque tu sortis de ton corps, si tu vins suivre cette jeune religieuse d'elle? Réponds que oui. Dis-moi s'il y a un ange avec toi? Réponds que oui. Dis-moi si celui-ci ange, est-il des bienheureux? Réponds que oui. Dis-moi. Ce bon ange te conduit-il partout où il te convient d'aller? Réponds que oui. Dis-moi. N'est-ce pas le bon ange qui a été député à ta garde, en ta vie, par la providence divine? Réponds que oui. Dis-moi quel nom a ce bon ange? Rien n'a répondu. Dis-moi si ton bon ange est de la première hiérarchie? Rien n'a répondu. Dis-moi s'il est de la seconde hiérarchie? Rien n'a répondu. Dis-moi s'il est de la tierce et haute hiérarchie céleste? Réponds que oui. Dis-moi si ce bon ange fut séparé de toi incontinent quand tu fus morte? Réponds que non. Dis-moi s'il t'a laissé quelquefois? Réponds que non. Dis-moi si ton bon ange te console dans tes afflictions et peines? Réponds que oui. Dis-moi si tu peux voir d'autres bons anges que le tien, et si tu en vois? Réponds que oui. Dis-moi si l'ange de Satan n'est pas avec toi? Rien n'a répondu. Dis-moi si tu vois le diable? Réponds que oui. Conjuré par le haut nom de Dieu, dis-moi s'il y a véritablement un lieu appelé purgatoire où toutes âmes sont là, condamnées par la justice divine, quelle qu'elle puisse être? Réponds que oui. Par cette réponse, la fausse assertion des hérétiques luthériens est confuse et condamnée. Dis-moi. As-tu vu punir des âmes en purgatoire? Réponds que non. Dis-moi. As-tu vu au purgatoire des personnes que tu as connues en ce monde? Réponds que oui. Dis-moi s'il y a une douleur en ce monde qui puisse être comparée aux peines du purgatoire? Sur ce n'a rien voulu répondre. Dis-moi. N'y a-t-il pas avec toi une lumière par laquelle tu puisses voir ou connaître? Rien ne répond. Dis-moi. Quand on fait quelques œuvres pieuses pour ton allègement, connais-tu tant le personnage que le bien, fait pour toi? Réponds que oui. Dis-moi si tu as été sans peine à quelques reprises depuis le temps que tu es morte? Réponds que oui. Dis-moi si tu as eu du repos le vendredi adoré pour la révérence de la passion de notre Seigneur? Réponds oui. Dis-moi si tu fus en repos le béni jour de Pâques, en l'honneur de la glorieuse résurrection. Réponds oui. Dis-moi si repos te fut octroyé le jour de l'Ascension. Réponds que oui. Dis-moi si le jour de la Pentecôte. Réponds que oui. Dis-moi si le jour de Noël. Réponds que oui. Dis-moi si en l'honneur de la bénie Vierge Marie tu as eu du repos aux fêtes. Réponds que oui. Dis-moi si tu as eu allégement à la Toussaint. Réponds que oui. Dis-moi si les âmes de purgatoire se reposent à la fête des Trépassés, ancienne fête célébrée le dimanche suivant la Pentecôte en mémoire des martyrs. Réponds que oui. Dis-moi, connais-tu le temps quand tu seras délivré de ta peine? Réponds que non. Dis-moi, depuis le temps que tu t'en allais de ce monde en l'autre, as-tu été quelquefois transféré aux joies des saints glorieux, par volonté divine? Réponds que oui. Il reste à savoir par quoi tu pourrais être racheté des peines du purgatoire. Dis-moi si tu pourrais être délivré par des jeûnes. Réponds que oui. Dis-moi si tu pourrais être délivré par la prière. Réponds que oui. Dis-moi si tu serais délivré par des aumônes. Réponds que oui. Dis-moi si tu réchapperais par le pèlerinage. Réponds que oui. Dis-moi si tu pourrais être délivré par les prières de cette jeune religieuse vers qui tu as été envoyé. Réponds que oui. Dis-moi, le pape a-t-il puissance de te délivrer par son autorité papale? Réponds que oui. Dis-moi au nom de Dieu, si tu as pris quelque corps ou instrument par lequel tu fasses tel bruit, par ordonnance divine? Réponds promptement que non. Sire, il vous convient savoir qu'à chaque réponse de oui ou de non, le dit évêque avait de l'encre et du papier pour marquer ce que l'âme répondait. Et tout ce que vous avez entendu, je l'ai diligemment recueilli. Car j'étais auprès du dit Seigneur, et lui prêtais la plume pour signer quand il était l'heure. Après que le révérend eut ainsi interrogé et examiné la dite âme, il lui dit en cette manière: ma chère sœur, aperçois ici comment cette honorable et dévote compagnie est assemblée, pour prier notre Créateur Dieu, qu'il lui plaise de mettre fin aux douleurs que tu souffres, et veuille te recevoir en la compagnie de ses anges bénis et saints de paradis. Tandis que le dit Seigneur disait ces paroles, elle cogna très fort. Je vous ai déjà dit comment les ossements de la défunte furent apportés où nous étions. Maintenant je vais vous parler du service, des suffrages d'oraison et des cérémonies. Car grand était le désir des assistants de voir la manière qu'on procéderait à la délivrance de cette pauvre âme. Or, quand le dit Seigneur eut achevé ses demandes et interrogations, et connut que véritablement c'était l'âme de sœur secrète Annalis, il loua Dieu, ainsi que tous ceux de l'assemblée, qui le remerciaient très dévotement de la grâce qu'il fit à la pauvre âme qui souffrait, et si débonnairement se montraient aux vivants pour être délivrés par leurs oraisons et bienfaits. Il tenait cela en grande merveille. Après que le révérend eut ôté ses ornements, sauf l'aube et l'étole, il commença le psaume 51, « Miserere mei Deus, Dieu, aie pitié de moi. Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lève-moi, et je serai plus blanc que neige. Annonce la joie de l'allégresse, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit de sainteté. Mets en moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et que ma bouche publie ta louange. Si tu voulais des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Car tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, répands tes bienfaits sur Sion. Par ta grâce, bâtis les murs de Jérusalem. Tu agréeras alors des sacrifices de justice, des holocaustes, et des victimes tout entières, et on offrira alors des taureaux sur ton autel. Nous et les religieuses répondons. Tous étaient en pied et ordre, les dames aussi. Quant à la religieuse, elle fut ordonnée de se tenir au chef du cercueil de la trépassée Alice, qui était au milieu des dames. Cependant qu'on disait ses suffrages, cette pauvre âme faisait grand signe de joie, sentant et connaissant ses peines s'alléger. Car sachez pour tout vrai qu'il n'y avait dans l'assemblée, aucun qui ne désirait pas de tout son cœur, être cause de la délivrance de la pauvre âme. Si chacun priait très dévotement, il pleurait de pitié quand il vit à la grande humilité que mit en avant la jeune religieuse, au nom de la défunte qui la suivait. Et quand le dit psaume, Miserere mei Deus, fut parachevé, aussitôt la jeune religieuse commence trapiteusement, pour la dite défunte le, Libra mi domine de morte eterna, qui est autant dire, Sire, délivre-moi de la mort éternelle. Seigneur Dieu, délivre-moi de la mort éternelle, en ce terrible jour, quand les cieux et la terre seront ébranlés, quand tu viendras juger le monde par le feu. Je tremble par crainte du jugement contre nous. De la colère à venir, quand les cieux et la terre seront retirés. Ce jour-là est un jour de colère, de catastrophe, et misère. Grand jour extrêmement amer, quand tu viendras juger le monde par le feu. Seigneur aie pitié. Christ aie pitié. Seigneur aie pitié. Les religieuses chantèrent très dévotement la dite réponse suivant que la religieuse en avait commencé. Après cette réponse chantée, la religieuse se tourna vers la mère de Jésus, en chantant un verset avec une autre religieuse, Ô Maria, Stella Marie. Salut, étoile de la mer. Mère nourricière toujours vierge, bienheureuse porte du ciel. En recevant ce salut de la bouche de Gabriel, le nom d'Ève changea. Établis-nous dans la paix. Enlève les liens des coupables. Donne lumière aux aveugles. Chasse nos mal. Réclame tout le bien. Montre-toi notre mère pour qu'il accueille, par toi, nos prières, celui qui naît pour nous, qui voulut être ton fils. Vierge sans égale, douce entre toutes. Quand nous serons libérés de nos fautes, rends-nous chaste et doux. Accorde-nous l'innocence, rends notre chemin sûr, pour que nous nous réjouissions éternellement à contempler Jésus. Louange à Dieu le Père. Gloire au Christ roi, et à l'Esprit Saint. Sainte Trinité tout entière, un seul hommage. Amen. Puis la religieuse appela dévotement la glorieuse Magdelaine. Après que les demeures répondues à la religieuse selon qu'il fallait, le dit révérendit en donnant l'eau bénite au corps. À porta inferi. Aux portes de l'enfer. Puis il dit de belles oraisons. Quand elles furent achevées, la religieuse s'agenouilla en chef du cercueil, et tous les assistants pareillement s'agenouillèrent. Alors la religieuse commença très doucement, Creator omnium rerum Deus. Créateur, Dieu de toutes choses, qui m'a formé de la vase de terre, et merveilleusement racheté par le sang de l'Alliance. Bien que mon corps maintenant se décompose, tu le relèveras de la tombe au jour du jugement. Écoute-moi. Écoute-moi. Mon Dieu, écoute-moi. Ordonne à mon âme d'être placée dans le sein d'Abraham. Ce qui s'ensuit se parachva très bien avec sa compagnie. Sachez que la religieuse ne chanta, ni ne fit aucune chose que ce fût, qu'en la personne de la défunte. Et après que le révérend eut dit en chantant, Requiem aeternam Donei Domine, et, Lux perpetua Lucei, éternel, donne-leur le repos éternel. Et, laisse-les briller d'une lumière perpétuelle. La religieuse recommença, Liberame, etc. Et donc le révérend adressa ses paroles à l'âme en lui souhaitant repos et joie perpétuelle. Disons en latin, Commandemus te omnipotenti Deo, soror carissima. Nous te recommandons au Dieu Tout-Puissant, chère sœur, dont tu es la créature, et te confions à sa miséricorde. En livrant ton âme au paiement de la dette commune, tu pourras retourner à ton Créateur qui t'a formé de terre. Puisse la noble compagnie des anges rencontrer ton âme à ton départ. Que l'assemblée des apôtres te reçoive. Que l'armée triomphante des glorieux martyrs te rencontre. Que la foule des joyeux confesseurs vous entoure. Que la chorale des bienheureuses vierges aille devant toi. Qu'un repos heureux soit votre part, dans la compagnie des patriarches. Que Saint Joseph, le plus tendre patron des mourants, vous inspire grand espoir. Que la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Jésus, vous regarde avec bonté. Que Jésus-Christ vous apparaisse avec une douce mine et vous donne une place parmi ceux qui doivent rester à jamais en sa présence. Puisses-tu être étranger à tous ceux qui sont condamnés aux ténèbres, punis dans les flammes et punis dans les tourments. Que Dieu ordonne à tous tes ennemis et mauvais esprits de s'éloigner de toi. Le dit Seigneur dit plusieurs autres bonnes paroles pour l'allégement de la pauvre âme, lesquelles je ne traduirai pas à cause de la brièveté. Nous étions ainsi occupés, il était déjà midi. Il nous fut dit que les jeunes religieux souffraient beaucoup. Mais il n'y eut personne qui voulut bouger. Sur ces paroles, chacun s'assit en sa place, les religieuses aussi, chacune à son degré. Quant à la jeune religieuse, elle demeura agenouillée en chef du cercueil comme il est dit. Quand tous furent en silence, Monseigneur Révérend se dressa en pied et dit tout haut. Mes bonnes dames, mes sœurs, et mes filles. Notre sœur Alice ne peut être en repos, si vous ne lui pardonnez pas toutes de bon cœur d'abord. Mes bonnes dames sœurs et filles. Je vous fais savoir que votre sœur Alice ne peut être en repos, si préalablement, nous ne pouvons l'absoudre pleinement. Vous, Madame l'abbesse, et toutes vous autres entièrement. Mes chères sœurs, pardonnez-lui libéralement et de bon cœur. Et lui acquittez tout ce que dès là elle pourra avoir pris ou emporté, ou qu'elle a permis d'emporter en quelque manière que ce puisse être. Tant qu'il vous appartient, vous pouvez, savez, et devez. Aussi, il convient que vous consentiez à son absolution. Aussitôt que le révérend eut dit cela, voilà la jeune religieuse qui se lève pour la personne de la défunte, et s'en va premièrement en très grande humilité, au pied de l'abbesse, s'agenouiller, et trépiteusement lui cria merci. Ma révérende mère, ayez pitié de moi, en l'honneur de celui qui fut pendu sur la croix pour nous racheter. Veuillez consentir à mon absolution. Ces piteuses paroles émurent si fort le cœur de tous les assistants, qu'il n'y en eut aucun qui ne pleurait pas amèrement. Après que la bonne abbesse reprit la parole, elle lui répondit très débonnairement. Ma fille, mamie, je vous pardonne, et consens votre absolution. La religieuse s'en alla particulièrement se mettre à terre aux pieds de chacune des religieuses, très humblement, en leur criant pitié, et pleurant, requérant qu'elle veuille lui pardonner et consentir à son absolution. Ce qu'elles firent, lui répondant chacune en pleurant. Ma bonne sœur. Mamie. Je vous pardonne et consens votre absolution. Il faisait très pitié de voir cette noble jeune religieuse qui faisait si humblement office pour la trépasser. Et donc, quand elle eut requis pardon à tout entièrement, Monseigneur le Révérend se leva de sa chaise, adressa les yeux et les mains au ciel en grande affection, et dit tout hautement. Ah, Sire Jésus, qui êtes loyal témoin, prince de tout reutérien, qui nous avez tant aimé, que vous nous avez lavé en votre précieux sang. Je vous appelle en témoin de la vérité, au nom de votre pauvre créature. Et vous aussi, Vierge Marie bénie, et vous glorieux anges archanges ensemble. Toute la cour céleste du paradis, le ciel, et la terre. Universellement toute nature et créature. Je vous invoque à témoin de la vérité, contre le faux, ennemi accusateur de notre sœur. Comment la mère abbesse présentement, et toutes les religieuses, lui ont pardonné, et consenti à son absolution. Puis il dit. Amen. Que le Seigneur rétribue en ta faveur, chère sœur. Dominus rétribua prote, arissima soror. La religieuse qui était à genoux se leva incontinent et chanta hautement les mains jointes. Dieu merci. Deo gratia. Le révérend commanda à la religieuse de s'agenouiller à l'accoutumée, en chef du cercueil, et qu'elle dit tout haut son confiteor. Je confesse Dieu, la toujours Vierge bénie Marie, l'archange béni Michel, Jean le Baptiste béni, les bénis apôtres Pierre et Paul, les saints Zélotes Régius, Cassian, et Juvenal, avec tous les saints, et vous prêtres. Par mes fautes, par mes fautes, par mes fautes, j'ai péché par ma pensée orgueilleuse, perverse, inique, odieuse, en discours, pollution, suggestion, délectation, consentement, parole, acte, parjure, adultère, sacrilège, meurtre, vol, et faux témoignage. J'ai péché par la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, dans mes vices et mon comportement tourné au mal. Je vous prie de me bénir, toujours Vierge Marie, ces saints et tous les saints, et vous mon prêtre. Priez et intercédez pour moi pécheresse, auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Sitôt qu'elle eut achevé, le dit Seigneur joint les mains et les étendit au ciel, disant tout haut. Le Dieu Tout-Puissant ait merci de toi, très chère sœur, te veuille pardonner tous tes péchés en te délivrant de tout mal, et veuille te mener en la vie éternelle. La religieuse répondit Amen. Tantôt après, le dit Seigneur étendit la droite sacrée sur le cercueil, et dit en latin. Que notre Seigneur Jésus-Christ, par sa sainte et très pieuse miséricorde, par le mérite de sa passion, vous absolve ma sœur. Par l'autorité apostolique qui m'a été confiée, je vous absous de tous vos crimes et péchés, et de tous autres excès, quoique graves et énormes, vous donnant pleine absolution générale, vous remettant les peines du purgatoire, vous rendant à votre première innocence baptismale, d'autant que peuvent s'étendre les clés de la Sainte Église Notre Mère, au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. La religieuse répondit, Amen, à voix haute. Puis le révérend donna sa bénédiction accoutumée, et les pardons de sa puissance ecclésiastique. Tous ainsi s'en allèrent en paix. Moi qui avais tant pris de labeur, jour et nuit, à procurer la délivrance de cette pauvre Alice, ne pouvais avoir entière joie au cœur, ni repos. Pourtant, je ne savais encore véritablement, si elle était hors des tourments du purgatoire, bien que bonne foi et espérance en Dieu me rapportaient qu'elle était délivrée. Pourtant non. Je voulus satisfaire à mon désir, et après la messe, je partis de mon logis et vins en l'abbaye. Dès que je fus entré là-dedans, les dames qui furent averties de ma venue vinrent parler avec moi au parloir. Je vous dirai merveille. Dès que l'on tira la clochette pour me faire ouvrir, la dite âme qui était avec la jeune religieuse commença à mener joie en l'église. Ce dont elle s'émerveillait grandement ainsi que toutes celles qui étaient avec elle. Bien qu'elle ne pouvait penser d'où cela procédait. Cela dura tant que l'on alla dire à l'abbesse que j'étais au parloir. A donc elle connut évidemment que cette âme savait pour vrai ma venue, bien que toutefois, les dames abbesses ne permit pas encore à la religieuse de venir vers moi jusqu'à temps que je la demanderais expressément. Elle ne cessait de cogner et de soulever de terre la jeune religieuse, jusqu'à ce que Madame l'abbesse la fit venir à nous. Cependant que nous devisions, la religieuse arriva en la compagnie de plusieurs des principales dames du lieu. Dès qu'on me fit savoir qu'elle était présente, dont je fus très aise et joyeux, je la salue honorablement comme je pus, ainsi que la bonne âme qui était avec elle, au nom de Dieu. La religieuse me rendit le salut très humblement. Je n'avais rien entendu, jusqu'à temps que Madame l'abbesse me dise « N'entendez-vous pas comment notre bonne sœur Alice vous salue? Et qu'elle fait elle-même pour l'amour de vous? Je vous promets qu'elle mène grande joie et soulève notre sœur Antoinette de terre, dit-elle de bonne foi. » Je fus alors tout réjoui de très bien entendre comme elle cognait joyeusement, et elle ne semblait pas qu'elle fût sous terre comme auparavant. Les dames et la jeune religieuse me dirent pareillement, qui trop mieux que les autres savaient et tenaient pour vérité que la dite âme était maintenant sur terre depuis le jour qu'elle fut absoute. Cela me donna confort, et pourtant ne me releva aucunement le cœur. Non. J'en voulus en savoir plus qu'avant, et lui demandai en l'honneur de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle me dise sans aucune fiction, à savoir si elle était parfaitement hors des peines du purgatoire. Et pour signe de vérité, je lui priai qu'en souvenance des 9 ordres bénis du paradis, elle heurta 9 coups distinctement. Elle heurta 9 coups, bien différents, et éloignés les unes des autres, que l'on peut compter à loisir le dit nombre. Encore ne me tenais-je pas à temps, et Drochef lui dit, « Ma chère sœur, êtes-vous donc pour vrai hors de toute peine ?» Elle répondit que oui véritablement. Pour cette heure-là, je ne manquis plus parce qu'il était temps aux dames de dîner, et m'en retournai en mon logis. 2 jours après, Monseigneur l'évêque suffragant, dépendant de l'archevêque de Lyon, dont est fait souvent mention ci-dessus, vint me voir et demanda s'il serait bon d'aller visiter pour savoir comment se portent nos religieuses de Saint-Pierre. Je lui dis que tout cela plairait. Nous sommes partis de mon logis en grand compagnie, et sommes allés au dit lieu. Rentrés à l'église où les dames et religieuses se trouvaient, nous avons parlé avec elles par la grille. Après qu'assez longs propos eut été tenu avec l'âme de la défunte, nous lui avons soigneusement demandé pourquoi elle était retardée de la vision éternelle. La conclusion fut telle que, bien que la peine du tourment au purgatoire lui soit cessée, toutefois il convenait, avant qu'elle entre en paradis, que plusieurs choses soient accomplies pour l'âme. Présentement, elle ne se manifesterait que pour certaines causes requises, desquelles, d'être instamment manifestée à vous seulement, sire. Et donc, le révérend, Madame l'abbesse, la jeune religieuse, toutes les religieuses ensemble, me commandent et prient de prendre la charge de vous le faire savoir. Et pour ce, je m'en acquitte présentement, très cher sire, vous présentant ce petit livre auquel est contenue la vérité de ce qui advint entièrement. Un mois après, vers 9 h de nuit du 20e jour de mars 1526. Veille de fête du glorieux Saint-Benoît, patron et chef primerin du dit ordre. La jeune religieuse de Lyon retournant se coucher en sa petite chambre, aperçoit une dame religieuse assez de grande stature qui tourna la face vers la jeune religieuse, mais ne peut la voir bien ouvertement à cause de son voile, son visage ne pouvait être bonnement connu. Elle se tourna vers la religieuse, changea de place par 3 fois, puis s'évanouit à un coin de chambre. La religieuse se mit à genoux, considérant la façon de cette apparition, que c'était la trépassée sœur Alice, qui apparaissait ainsi à elle. La jeune religieuse n'eut guère dormi qu'elle se réveille à environ de 11 h de nuit, et subitement, voici une voix assez faible qui l'appelle, et lui dit en cette manière. « Chère sœur Antoinette, ma bonne amie Antoinette, au nom de Dieu et par son ordre, je viens à vous pour faire certaine de mon état, prendre congé de vous et de toutes les religieuses de là, et faire signe évident de m'en aller. Ainsi qu'il me fut ordonné après que je fus absoute pleinement. Cette nuit donc, à matine, je ferai si grand bruit et si grand cognement, que jamais ne fut entendu de tel, ni de si merveilleux, Lorsqu'on chantera les louanges du Très-Haut Sire, notre Créateur, qui par sa bonté m'a évité la mort éternelle. Alors que le bon évêque me donna sa dernière bénédiction, et que vous aviez clairement répondu Amen, à telle heure il fut convenu de laisser ce présent monde chétif, et me monter là, en joie qui me durera toujours. Ô chères sœurs, vous ferez savoir cela à toutes nos bonnes sœurs, et des signes que je ferai, pour qu'elles ne s'épouvantent aucunement. Sachez ma chère amie, premièrement, que pour les prières de la bénite Mère de Jésus, je suis mis hors du danger d'éternelle damnation, et remis en voie de salvation perpétuelle. Car alors que je trépassais de ce monde en l'autre, je ne fus pas brûlé par le feu austère du purgatoire, ni ne fus plongé au puits de l'enfer. Je fus envoyé en l'air ténébreux, pour accomplir la madure pénitence par l'espace de 33 ans, ainsi condamné par juste sentence divine. J'ai là, jusqu'alors que je fus absoute, tant souffert de peine d'austérité qu'il n'est créature qui peut le raconter. Mais je vous fais savoir que jamais mon bon ange ne m'abandonna pour cela, et me consola sans cesse en ma terrible affliction, ainsi que pour me délivrer tant de cette peine, et procura envers Dieu que par certains signes, je vous fasse savoir la grande nécessité en quoi j'étais, et ce qui m'en prenait de bien, puisque le terme de toutes mes douleurs est maintenant achevé. À l'aide de vous, ma chère sœur, à qui j'ai été spécialement envoyé, comme mon désir et requête, ensemble par les continuelles oraisons des bonnes sœurs de ces lieux, aussi par le travail et grande instance de deux personnes qui m'ont vigoureusement et hardiment tiré, et arraché du purgatoire où j'étais, quasi par autorité piteuse et charitable. Béni soit le Créateur, qui leur donne si grande hardiesse et courage de révoquer la juste sentence qui avait été proférée sur moi. Certes, chère sœur, par tous les siècles en serai souvenante, et en mon possible envers Dieu, par mes prières les compenserai. Or, allez maintenant m'en convient, chère sœur, et ne vous parlerai plus. Seulement en sortant, je vous dirai quel service je fais à la très sainte Mère de Jésus, que tant lui a plu, que pour ceux, obtenus envers notre Seigneur, son cher Fils, que je ne fusse pas damné selon que méritait et requérait les offenses de ma vie. Sachez, chère sœur, que jadis le glorieux Saint Jean l'Évangéliste, secrétaire et garde de la bienheureuse Mère de Jésus, composait 5 belles oraisons. Chacune commençant par une des lettres du très excellent nom Maria, qu'il fit en l'honneur et mémoire des plus grandes douleurs qu'elle souffrit pour notre Seigneur. Chère sœur, je vous dis véritablement, qui sa l'oraison sont pour la souvenance des afflictions que la piteuse mère souffrit pour son enfant béni. Il lui plaît que très grande récompense en sera à celui ou celle qui le dira, et déjà ne sera en damnation éternelle pour la révérence de sa mère bénie. Se commence ainsi. Médiation entre Dieu et les hommes, fontaine vive versant des flots incessants de grâce, Maria. Aidant envers tous, celle de paix éternelle, Maria. Réparatrice des faibles, médecine très efficace pour les blessés, Maria. Illuminatrice des aveugles, lampe salutaire de grâce, Maria. Allégement des miséreux, condamné sous le fardeau des vices, et fin de notre misère, Maria. La dite âme parla encore à la jeune religieuse en très faible éloquence vers la fin, et semblait qu'elle était très lasse et se hâtait fort, et parlait vitement en dernier. Tellement que la jeune religieuse avait grand soin de bien écouter ses paroles qui allaient toujours en s'affaiblissant, combien qu'elle fût bien près de la jeune religieuse, la voix toutefois était loin d'elle et parlait comme enrouée, et mieux, semblait une personne qui parle comme à l'article de la mort. A donc lui dit, « Il est temps que je m'en aille, chère sœur. Avant que de prendre congé de vous, je vous remercie de ce qu'avez fait pour moi, et tous ceux qui s'y sont employés. Vous faisant savoir que je prierai notre Seigneur qu'il vous donne grâce, de vite venir là où il m'envoie. Je recommanderai mes dévotes sœurs et tous ceux qui ont pris le travail pour ma délivrance. » La parole lui faillait petit à petit et elle disparut subitement. Elle ne fut plus entendue dès que l'on cogna à la chambre de la jeune religieuse pour aller à matine. Il pouvait bien être près de minuit. La jeune religieuse demeura très consolée des bons propos que lui avait tenus cette bonne âme, et lui dit plusieurs autres bonnes paroles que la religieuse. Puis se leva et s'en alla à matine. Elle n'eut guère été en l'église que l'on commença matine. Les dames, chacune en son degré, chantèrent jusqu'au Vénité. Venez. Chantons avec allégresse à Yéva. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisant retentir des cantiques en son honneur. Car Yéva est un grand Dieu. Il est grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez. Prosternons-nous. Humilions-nous, fléchissons le genou devant Yéva notre Créateur. Il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Meriba, comme la journée de Messa. Vos pères me tentèrent dans le désert, ils m'éprouvèrent quoiqu'ils voyaient mes œuvres. Pendant 40 ans j'eus cette race en dégoût et je dis, ce peuple a le cœur qui s'égare et ne connaît pas mes voies. Je jurai alors dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Psaume 95. Subitement elles furent surprises par ces merveilleux bruits de cognement, qu'il semblait proprement 1000 personnes, être en besogne à faire tel bruit. Que vous dirais-je? Ce cognement fut tant excessif qu'il était d'avis, au jugement de chacune des dames, que non seulement tous ceux de Lyon l'entendaient, mais aussi de lointains pays se pouvaient entendre. À cet instant la religieuse, toute résolue de joie spirituelle, regarde les autres trembler d'incomparables frayeurs et pâlissant, se prit doucement à sourire. Chacune se serrait et s'approchait d'elle comme un singulier refuge. Et qui se tenait plus près d'elle, était plus assuré. Elle quittant et débonnaire les consola et les remit en bonne contenance, disant « Mes bonnes sœurs, n'ayez aucunement peur. C'est notre sœur Alice de tes yeux qui va prendre congé de nous aujourd'hui, car elle va rejoindre le salut des bienheureux du paradis. Elle m'a longuement parlé cette nuit et m'a fait savoir son départ. Soyez assurés mesdames et sœurs, et louez Dieu de tels signes évidents. » À ces paroles, tant humble que gracieuse, la peur des dames s'en alla et elles furent remises en assurance. Ce bruit n'était pas horrible, mais tel que provoquait en chacun admiration et dévotion, tant que matines durèrent. Les dévotes dames en furent toutes consolées. Cette âme se réjouissait d'aller aux joies perdurables, et désirait que chacune des dames fût participante en haute solennité de sa liesse, pour sa naissance au royaume célestiel. Le 21e jour de mars, 1526, à la fête de Saint-Benoît, le service avait été un peu long à cause de la solennité de leur patron. Les dames étaient à table au réfectoire, et la lecture était commencée, quand l'âme de sœur Alice de tes yeux, maintenant agréant la triomphante cité de la Jérusalem céleste, et faire prochainement son entrée perdurable au royaume des bienheureux, vint subitement au réfectoire et cogna 33 coups bien distincts l'un de l'autre, si grands et merveilleux. C'était une chose très étrange à entendre, signifiant par ce nombre, le temps de pénitence changé et abrégé de 33 ans, en 33 jours. Par la clémence divine. Ensuite au milieu du réfectoire parut une lumière si brillante d'éclat, que les bonnes dames pouvaient à peine supporter. La dite lumière dura près d'un demi-quart d'heure. Elle leur donna tant de joie que merveille, que quand la dernière clarté fut entièrement dissipée, elles allèrent promptement à l'église avec leur bonne abbesse, leur grande prieure Madame de Tourelle, Madame Magdeleine du Grolet, et Madame Gabrielle de Dizimieux la sous-prieure, et toute cette communauté dévote. Elles chantèrent très dévotement en présence d'une infinité de peuples assemblés au son de leurs cloches. Nous te louons Seigneur Dieu, nous t'acclamons Père éternel. Toute la terre te vénère. C'est pour toi que tous les anges d'une voix ininterrompue, pour toi, que toutes les puissances du ciel, pour toi, que les chérubins et les séraphins, chantent, Saint, Saint, Saint, Seigneur Dieu Sabaoth. Les cieux et la terre sont remplis de ta grande gloire. C'est toi que le cœur glorieux des apôtres, c'est toi, que le nombre illustre des prophètes, c'est toi, que l'armée radieuse des martyrs, louange. Toi que la Sainte Église acclame par toute la terre. Père à la majesté infinie. Ton unique vrai Fils. Aussi le Saint-Esprit paraclet. Toi, Christ roi de gloire, Fils éternel du Père. Toi qui as assumé la nature humaine pour délivrer. Toi qui n'as pas redouté la matrice de la Vierge. Toi qui vainquis l'aiguillon de la mort, et a ouvert aux croyants le royaume des cieux. Toi qui es assis à la droite de Dieu dans la gloire du Père. Toi qui tu es le juge à venir, nous te prions. Viens au secours de tes esclaves que tu as rachetés de ton précieux sang. Fais qu'ils soient comptés parmi tes saints dans la gloire éternelle. Certes, voie et sire, comme la dite âme fut délivrée et sa peine tranchée par l'autorité que notre Seigneur a donnée à son Église. Car sitôt que la dite âme fut absoute de peine et de culpabilité, la justice divine lâcha les griffes cruelles et liens de chaîne dont était liée cette pauvre âme. Et il ne fut plus possible aux puissances infernales de retenir ce que l'autorité divine commandait d'être mis en liberté. Très cher sire, magnifique souverain prince, moi votre très humble orateur et aumônier, vous supplie qu'il vous plaise, de votre bénigne grâce, de trouver agréable ce petit travail. Et malgré que le langage soit assez rude et mal orné, toutefois il est véritable. Car dans tout ce présent traité, je n'écris pas de choses que je n'aie pas entendues par moi-même, ou appris par la religieuse même. Enfin, à la gloire, honneur, louange, triomphe, et magnificence à Dieu, le Père Créateur, Fils, Saint-Esprit. Amen. Imprimé par le privilège du roi François Ier.